تو چرا یه میدونم دنیای رنگ بارنگه یادم نیست چشمون تو چرا یه میدونم دنیای رنگ بارنگه جام بلور چشمات دریای دور چشمات دنگ شراب چشمات جادوی خواب چشمات یادم نیست چشمون تو چرا یه میدونم دنیای رنگ بارنگه یادم نیست چشمون تو چرا یه میدونم دنیای رنگ بارنگه تو چه رنگه میدونم دنیای رنگ بارنگه یادم میر چشمون تو چه رنگه میدونم دنیا یه رنگ بارنگه. Les antibiotiques utilisés à tort. Et pour ça, je parle de pensée, et j'en arrive aux pensées. Ah. Il faut se débarrasser de ses pensées pour ne plus désirer ce qu'Allah ne veut pas. Alors, sur les pensées, il y a une chose que je dois vous dire. La haya fi din, il n'y a pas de pudeur pour parler de la religion. Pour se débarrasser de pensées, il ne faut plus se masturber, ni avoir aucune pratique sexuelle de ce genre. Ah, pourquoi ? Parce que quand on se masturbe, on va avoir tendance à faire plein d'imagination, plein de trucs, et en fait, vous n'allez pas me dire que quand on se masturbe, on pense à Allah. Donc on est complètement en train de donner son esprit à Shaitan, de se faire des films, de se faire des enregistrements, et le fait de faire ça, on croit que ça soulage, mais en fait, on est plus dans le piège. Parce que tout ce qu'on a donné à Shaitan dans notre esprit, dans notre mental, il va le faire bouger quand il veut, et on va être prisonnier de ces images, et on va être obnubilé, on va être complètement prisonnier de ces images, et on ne pourra pas s'en sortir. Donc ne pensez pas que la masturbation, c'est une solution, c'est un soulagement, non, au contraire. Faites comme je vous dis, n'y pensez plus, vous allez voir, vous allez être complètement tranquille. Un dernier point, une question importante. Malheureusement, j'ai trouvé personne qui connaît la réponse. C'est bizarre, pourtant c'est une question très importante. Pourquoi Allah a interdit la fornication? Pourquoi Allah a interdit les rapports sexuels hors mariage? I'm not going to be able to do that. บ้านอยู่ซอยเดียวกัน เห็นหน้าทุกวันตอนแรกแอบมองหุ่นไม่ไหวมัวจดจดจ้องจ้องเลยถามถึงบ้านน้องว่าบ้านอยู่ดอนตาบ่นานบ่เจอแล้วหัวใจโลดยับบ่อยู่กูดอนคันเจ้าก็หัวเป็นบ้านบ่าวพี่ชายผู้นอพรางเอ้ยพรางเอ้ยแม่นมาเคยล้ำเตยหัวดอนตาลก็ซอมใจซอมใจหัวดอนตาลก็บ่ได้หลายเจ้าละผู้บ่เคยสมสานอตาว่าหกโอ้สู้ไว้บ้านน้องมันคันหอมตาว่าหกขอท้องบ้านน้องมันทันเมื่อวันมาเรือน้ำเอ๋ยน้ำเอ๋ยสวนบ่เต็มป่าใดบ่ลุกเจ้าเขาพี่อยากลับป่าพี่บ่หักพี่สิไปขออยากจะขอแม่เจ้าที่ผมเจ้าพี่กางเอ๋ยกางเอ๋ยผมเจ้าพี่กางเอ๋ย seçtiğim için kavmimin benimle alay ettikleri günler bile hiç zor gelmemişti. Yolum düştükçe olacağım. Ben de sana yaptığım bahçenin meyvelerinden ikram edeceğim. Ça va se diviser en deux. Très simplement. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. La question sexuelle et la sexualité dans l'islam, ça peut être pratiqué que dans le cadre du mariage. امشب دلم میخواد تا فردا می بنوشم، من زیبا ترین جامه هایم را بپوشم، من با شوق بیاد باغچه هامون را صفا دادم، امشب که میشد گل توی گلدون پا جا دادم. بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها، فردا که می آیی فردا تو می آیی، بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها، فردا تو می آیی تو می آیی. از خونه ما نام دیا سفر کرده، گویا دعای من خسته اثر کرده، من لحظه را می شمارم تا رسد فردا، آن لحظه خوب در آغوشت کشیدن ها، بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها، فردا تو می آیی فردا تو می آیی، بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها، فردا تو می آیی تو می آیی. We'll be right back. interdit les rapports sexuels hors mariage. Il y en a qui croient pour les enfants, pour la filiation. Alors, la raison essentielle, le prophète Sassan m'a dit, la ahada pariyahu min Allah. Personne n'est plus jaloux qu'Allah. لذلك حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Pour cela, Allah interdit الفواحش, c'est-à-dire la perversité, la débauche apparente ou cachée. Toute forme de débauche, toute forme de pratique sexuelle débauchée, Allah interdit. Pourquoi par jalousie? Par jalousie. Et vous voyez que, par exemple, vous admettez pas que votre femme est avec un autre homme, votre homme la regarde, etc. Pour votre fille, vous admettez pas. Probablement pour votre soeur, vous admettez pas. Mais si c'est la voisine, qu'elle va avec un autre mec, vous en avez les chaud des fois, ça ne vous regarde pas, c'est pas votre problème. N'est-ce pas? Et bien Allah, comme ça, il est jaloux de toutes les femmes qu'il a créées. Allah, il est jaloux de toutes les femmes. Et Allah, il déteste ça, quelle que soit la femme qui vous entoure. Même si les femmes jouent pas. Ali, c'est lui. I'm Sani kulunam bir kâri deyim, bir kâri deyim. 12 imam dergah ona gidelim, ey dost gidelim. Özü çürük şu milcenini aman mi deyim, iblis talip olmaz imiş, duyduk sonradan, duyduk sonradan. Yezid yola gelmez imiş, duyduk ey mehteran. Merhaba mehter başı. Nevbete selah, der faslı Hicaz Sumay'ın peşrevi. Hastu. Haydi.